Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Il est 19h, il est temps pour moi de laisser l'antenne à Benoît. Eh bien, je la prends, merci. Bonne émission. Merci Laurent, mais va pas te rentrer chez moi. Oui, t'as raison, non, reste avec moi, j'ai encore besoin de toi. Alors, au menu de notre parloir, dans quelques minutes, nous parlerons d'une série de Canal+. Un petit peu, ça fait longtemps qu'on va un petit peu abandonner Netflix, Amazon Prime et les grands réseaux. Là, une petite série de Canal+ qui est passée cet été, qui est encore disponible sur MyCanal. Ça s'appelle « Des gens bien ordinaires ». Oui, alors on va parler porno. C'est une série sur les... l'industrie pornographique. Ah. Mais c'est joliment fait. On en reparle dans quelques instants. Du côté du palais, nous nous intéresserons à une série assez intéressante, La Crue, une série polonaise. Alors, comme ça ne vous dit rien, mais pourtant, ça cartonne plutôt pas mal. On y reviendra tout à l'heure. J'adore les bruitages que tu rajoutes maintenant. Oui, oui. Et maintenant, notre petit feuilleton, hein, notre feuilleton depuis la rentrée, depuis « Ça ira mieux demain » l'émission, depuis le 16 septembre, le duel. À ma gauche, les anneaux du pouvoir. À ma droite, à House of Dragon. Eh bien, c'est fini pour les anneaux du pouvoir, on est arrivé au bout. C'est encore pas tout à fait fini pour House of the Dragon. Alors, qui a gagné? Une idée, Laurent? Alors, je pense que c'est House of Dragon. Oui, alors là... C'est grâce au dragon. C'est grâce au dragon, c'est grâce au scénario, c'est grâce aux acteurs, on va y revenir dans quelques instants. Mais ce que je vous annonçais depuis quelques semaines, eh bien, c'est révélé exact, puisque à force d'être critiqué... Les scénaristes ont pris la parole et ont avoué que les choses n'ont pas bien fonctionné. Alors quand les scénaristes eux-mêmes disent que tout n'a pas bien fonctionné, tu te dis, bah oui, alors là, si même les scénaristes disent qu'ils ont foiré, c'est quand même effectivement... Ça rappelle un peu Lost, non ? Un peu Lost aussi. Mais Lost avait quand même bien fonctionné la première saison. La première saison avait été effectivement... Elle oui, plutôt bien fonctionné. Oui, mais c'est la deuxième là où ils sont plantés. Oui. Mais là, on est qu'à la première. Alors critiqué depuis le début de sa diffusion le 1er septembre, donc la série continue son chemin de croix avec la diffusion du dernier épisode et des critiques vraiment qui sont assassines. Et les showrunners donc ont malgré avoir été passés à la vitesse supérieure sur la fin où il y a un peu plus de rythme effectivement, les scénaristes ont avoué s'être perdus dans les méandres et bien des livres. Vous savez, rappelez-vous la première fois, je vous avais expliqué comment ils étaient venus. Comme ils n'ont pas les droits des œuvres originales, ils avaient récupéré toutes les petites annotations qu'ils avaient pu récupérer pour monter les fameux anneaux du pouvoir. Eh ben, l'assemblage, ils ont raté des choses et ils ont fait leur mea culpa. Et donc, ils assurent que pour la saison 2, elle sera plus grande et meilleure à tous les niveaux. On y travaille. Donc voilà. Mais à mon avis, la saison 2, elle n'est pas pour maintenant parce qu'il y a énormément de travail. Je vous rappelle quand même, et on l'avait beaucoup dit avant, que c'était quand même la série la plus chère de l'histoire des séries. Donc, pas certain déjà qui rentabilise aussi bien qu'ils l'attendaient. Bon, je pense qu'ils ont quand même réussi à bien la vendre, hein, puisqu'elle a été diffusée dans presque tous les pays. Hein. Mais voilà, le succès n'étant pas là, je pense que les rentrées d'argent ne vont pas se faire aussi bien. Et puis, de l'autre côté, on a The House of the Dragon, où on a eu le huitième épisode, lundi dernier, qui est arrivé. Un épisode fantastique, un épisode magistral. Comment dans une agonie pendant près d'une heure, car c'est la fin d'un des personnages principaux, c'est une longue, lente agonie du roi Viserys. Alors c'est vrai que si vous êtes un peu... Bon, je spoil sans trop spoiler, parce que dès le départ, on sait que ce personnage est malade. Et puis on sait qu'à la fin, forcément, comme l'histoire de House of the Dragon, c'est la passation, c'est l'héritage de ce personnage-là. Et à qui va-t-il donner son héritage ? Ce huitième épisode est fantastique. Pour vous dire, j'ai regardé cet épisode et on avait la larme à l'œil, Manon et moi, qui le regardaient en même temps que moi, tellement... C'était grandiose. Et il y a notamment une scène où il est alité et en fait, il a comme maladie, il a la lèpre. Donc, il a un masque. Enfin, on voit son visage complètement attaqué par sa maladie. Il arrive à se traîner pendant une cinquantaine de mètres. On le voit alors qu'ils essayent de se battre entre eux, hein, les différents camps des familles sur la succession. Et on pense qu'il est dans son lit et qu'il ne viendra pas à ce débat-là. On entend une porte qui s'ouvre et on le voit marcher alors que tout le monde le regarde. Et on le voit arriver jusqu'à ce fameux trône de fer et s'asseoir pendant au moins... Allez, là, ça dure peut-être bien 5-6 minutes, hein, cette marche-là, presque dans le silence. Il y a sa couronne qui tombe... on voit que c'est vraiment une personne vraiment fin de vie et il arrive quand même à reprendre les rênes de cette famille et s'ensuit un souper où il réunit toute sa famille alors qu'elle s'était en train de s'entretuer quelques minutes avant. Je n'en dis pas plus, ça ouvre une autre page de The House of Dragon. Et là, ça va amener encore plein de distorsions dans la famille. Mais voilà, cet épisode était certainement le plus beau jusqu'à présent. On monte crescendo dans cette série. De plus en plus, je pense que je vais enchaîner avec Game of Thrones parce que j'ai vraiment raté quelque chose à l'approche de cette série qui fait quand même, qui bat des scores d'audience à travers le monde plus fort que Game of Thrones. The House of the Dragon caracole partout et c'est une vraie réussite. Alors peut-être que c'était un manque de Game of Thrones, donc les fans se sont rués dessus, mais il y a aussi tout un... On parle des dragons, c'est vrai, mais il y a des fans de dragons et c'est vrai qu'ils sont omniprésents et je pense que c'est un vrai plus d'avoir amené ces dragons dans l'aventure. Voilà, je pourrais en parler des heures tellement je suis passionné par cette série qui, au départ, j'ai regardé par simple curiosité pour vous en parler. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à suivre les épisodes des Anneaux du Pouvoir. Je regarde parce qu'il faut que je regarde. Mais House of the Dragon, on attend le lundi soir. Et c'est, comme je l'ai déjà dit, cette petite attente de l'épisode la semaine suivante à l'ancienne un peu. C'est quand même bien que d'avoir 8 épisodes d'un coup, 10 épisodes d'un coup, qu'on aurait pu manger en un week-end. Voilà. Autre chose, je parle aussi beaucoup. Page musicale. Alors, je sais, j'ai eu envie de me faire un petit plaisir et un plaisir partagé, puisque c'était la fin de Masked Singer et je sais que Laurent aime bien aussi cette série, cette émission-là. Et donc, on sait qui a gagné Masked Singer. Et moi, je trouve ça très, très fort. Vous savez, vous ne savez pas si vous n'avez pas regardé, que c'est donc la tortue, cette fameuse tortue qui a gagné Masked Singer. Et c'était Amaury Vassili. Alors, c'est exceptionnel parce que ce chanteur lyrique a réussi la prouesse de nous faire vivre pendant presque 2 mois au rythme des chansons qu'il nous a fait découvrir. Et ce petit Amaury, eh bien, en même temps qu'il faisait Masked Singer, il passait en studio après pour les enregistrer. Et est sorti donc mardi son album avec... Alors, pas tous, hein, mais une bonne partie des chansons qu'il a fait. En fait, les titres sont enregistrés dans la semaine Et ils ont expliqué à un moment donné que les costumes sont tellement... ils suffoquent là-dedans, ils ont tellement chaud que c'est une bande qui passe. Enfin, oui, c'est... oui, non mais je veux dire... Donc, en fin de compte, les enregistrements qu'il a fait pour l'émission, tu veux dire qu'il les sort en album. Voilà, non mais il les a certainement... non, il les a remasterisés après en studio, mais... Ah, après, une fois qu'ils ont les voix, après l'orchestration, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, donc, petit malin ça quand même, parce qu'il sort un album et à mon avis, il risque de marcher. Et l'une... c'est certainement une des plus belles chansons qu'il a faites dans Masked Singer, c'est cette reprise d'Iseult, je ne sais pas trop comment on dit, et que je vous propose, elle est vraiment magnifique cette chanson. Et alors, donc c'est Amaury Vassili, notre tortue de Masked Singer. Alors comme on sait qu'Amaury écoute « Ça ira mieux demain », je lui lance un message, il faut qu'il contacte Christophe Willem pour lui demander de prendre l'appellation La Tortue pour sortir l'album de La Tortue. À mon avis, là, ça fait un carton. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que donc il a pas, j'ai pas vu l'intérieur de l'album. En tout cas, dans la pochette, il y a pas de tortue. Il aurait pu. Hein. Moi, j'aurais mis. Hein, j'aurais mis une petite tortue quelque part. Mais peut-être que je suis, ça se trouve, il y a une tortue dans les. Je m'étonnerais qu'il ait pas mis une petite photo de lui parce qu'il était content d'avoir gagné. Hein. Ça, on ne connaissait pas Amaury Vassili aussi expansif. C'est vrai que c'était quand même une grande surprise. Bah, il a berné tout le monde pendant plusieurs semaines, ouais, donc c'est quand même assez énorme. Et puis maintenant, bah, il va se faire un petit peu de blé avec l'album. Allez, Amaury Vassili, on t'en veut pas. Pour les faibles, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, le regard des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père, insolent je l'ai été. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques qui s'en ébouffaient. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Oh, dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. La tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Et quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. Nous sommes dans la France des années 1990. Un jeune étudiant en sociologie de 18 ans pousse pour la première fois les portes d'un tournage de film pour adultes. Dans ce milieu totalement aux mains des femmes, il est partagé entre fascination. Il découvre des individus hauts en couleur, fatigués de leur vie et de leur métier. Valérie, une directrice de production, maternante. Dominique, une réalisatrice besogneuse qui a renoncé à toute ambition artistique. Claude, un maquilleur cynique. Et André, une actrice plutôt rustique, un brin mythomane. Voilà le pitch de cette série, une création Canal+, diffusée cet été sur la chaîne cryptée et disponible sur MyCanal quand bon vous semble. Un format court de 9 à 17 minutes pour une série de 8 épisodes seulement. Son titre, Des gens bien ordinaires. Découvrons donc Romain, ce jeune étudiant en sociologie un peu candide qui se lance dans le cinéma pornographique. Avec son ami Isor, il rêve de refaire le monde. Alors qu'Isor entend exprimer sa radicalité aux côtés de groupes politiques clandestins, Romain, lui, pense qu'investir le milieu du porno est une subversion qui pourrait servir sa rébellion contre son milieu d'origine, mais aussi une manière pour lui de s'émanciper d'une relation amoureuse toxique avec une femme qui a une emprise totale sur sa vie. Mais plutôt que de trouver l'occasion de bousculer l'ordre établi, le jeune homme va en fait découvrir un milieu très ordinaire où chaque genre reste bien sagement à sa place et où personne ne semble jamais relever le caractère déplacé, voire humiliant, de certaines situations. Je m'appelle Buck, j'ai grandi dans une famille normale. C'est pour les choquer que tu fais ça ? C'est pas eux que j'ai envie de choquer, c'est la société. Ça, c'est frais. Je pense qu'on peut cartonner. C'est mignon, hein? Oui. Je te présente André, avec qui tu vas travailler. Ça fait plaisir de voir un petit corps qui a pas trop servi. Ça change. Étudiant sociaux le jour, acteur porno les nuits, j'aime bien ça. Tu te caches derrière l'arbre et tu te touches en les matant. Vous vous embrassez, vous vous touchez. Genre naturel. Voilà, naturel. Et Linda, elle dit quoi? Tu le laisses faire ça, toi. Il est majeur, je vais pas le séquestrer. La série des gens bien ordinaires suit donc Romain dans la découverte de ce milieu, très normé, qui va donc le conduire petit à petit à son émancipation. Aux manettes, on retrouve Ovidie, qui est autrice et réalisatrice de cette série. Elle est habituée à bousculer les clichés et les préjugés puisqu'elle a été elle-même actrice pornographique entre 1999 et 2003. Avant de devenir autrice et documentaliste. Elle s'inspire donc de sa propre expérience pour inventer un milieu du porno où le traditionnel rapport de domination masculin-féminin serait inversé. car dans cette série, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Dans les situations de travail, mais aussi dans la vie de tous les jours, car Romain est donc dominé par sa petite amie, voire même quelquefois violenté. C'est drôle et piquant, et ça nous permet de nous interroger aussi, quelque part, sur notre perception du sexisme. Car de la productrice à l'actrice, de la réalisatrice à la spectatrice, tous usent et abusent de lui, cette chair fraîche, comme, si vous me permettez l'expression. Au long des 8 épisodes, qui sont courts, hein, de 9 à 17 minutes pour le plus long, Ovidie va s'attaquer à la violence sexiste de ce milieu, le milieu pornographique, comme symptomatique de celui qui règne dans toute la société. Un sexisme devenu banal dans notre réalité du quotidien, alors qu'il devrait être tout sauf anodin. Cette série est inspirée donc de faits réels, puisqu'elle n'est ni autobiographique ni complètement fictive. Il serait juste de la définir comme l'expression d'un point de vue situé. C'est ce que nous dit Ovidie dans plusieurs interviews qu'on a pu voir ici ou là. Comme Romain, elle a vécu une enfance sans histoire dans une famille ordinaire de fonctionnaires de l'éducation nationale. Une adolescence de la France pavillonnaire, des classes moyennes des années 90, une jeunesse militante et une implication dans divers groupes anarchistes. Et comme Romain, elle a été attirée par la marge que représentait l'expérience pornographique. Et donc elle a cru voir la possibilité d'une rébellion. Et elle n'y a trouvé qu'un milieu relativement ordinaire, avec ses normes, ses stéréotypes, voire ses violences. Voilà ce que pouvait nous dire Ovidie au sujet de cette série. On remarque bien que quand même la série est quand même bien marquée par son expérience personnelle. La série est aussi l'occasion de montrer une facette méconnue du X, estime-t-elle. L'action débute sur un tournage comme il en existe tant. Ici, pas de violence, de cocaïne, de paillettes, d'exubérance, de fêtes, de larmes. Juste une terrifiante platitude. Des techniciennes venues faire leurs heures, une réalisatrice de films institutionnelle venue faire ses heures, une directrice qui, elle aussi, est là pour faire ses heures. En fin de compte, l'aventure débute par un jour bien ordinaire avec des gens trop ordinaires. On aura donc compris toute la symbolique du titre. Et c'est bien cet aspect qui rend le monde du porno intéressant pour elle. C'est qu'il est à la fois plus humain, mais aussi plus décevant que l'image que l'on s'en fait, nous ajoute Ovidie. N'oublions pas que cette série est aussi un parcours épique et très drôle. Drôle dans le décalage avec le monde réel, drôle avec ses situations hautes en couleurs, et aussi quelque part drôle par son système D. Car on réalise des films avec vraiment les moyens du bord. Aux côtés de Jérémy Gillet, le casting compte aussi Raïka Azanavicius, que l'on a vu dans Les 7 vies de Léa, notamment, une série dont je vous ai parlé il y a quelques temps, ainsi que Romane Boranger, Adrea Bescon, Anne Benoît et Arthur Dupont. Mais notons quand même une mention spéciale à Jérémy Gillet, qui illumine de sa candeur cette série. Et contrairement à ce que le sujet pourrait laisser craindre, Des gens bien ordinaires n'est aucunement une série voyeuriste, bien au contraire. La création originale Canal+ est à l'image de sa conceptrice, sensible et pudique, rien de grandiloquent ni graveleux. Ovidie a créé des personnages sympathiques, attachants, des gens dits normaux, ordinaires tout simplement. Et c'est vraiment un des principaux atouts de ce show, car on pouvait un peu craindre vu le sujet. Il y a juste un petit point négatif, si on pourrait dire, dans cette série. Eh bien, c'est son format. Car effectivement, des épisodes qui sont entre, je vous disais tout à l'heure, 9 à 17 minutes, et sachant qu'il n'y en a que 8, eh bien, en moins d'une heure 50, c'est très difficile d'aller jusqu'au fond des choses et de voir effectivement le parcours complet de Buck Love. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, ça aussi, c'est une petite particularité des noms charmants que l'on trouve dans le milieu du porno. Et notre Buck Love. Et donc, on aura très envie de suivre les aventures de Buck Love dans d'autres saisons. Donc, Des gens bien ordinaires est une bonne surprise. Mais pour que la série marque réellement, il faudra d'autres saisons. Et c'est tout le mal que l'on souhaite à Ovidie. Bienvenue au palais. Voilà, c'était cette belle saison sur Canal+, belle série sur Canal+, des gens bien ordinaires à découvrir, hein, parce que franchement, ça vaut le détour. Notre palais, eh bien, ça. Alors, franchement, on aurait voulu le faire exprès, Laurent. Je termine l'émission avec le palais pour vous parler d'une crue. Alors que on a commencé l'émission à 18h avec Laurent, c'était quelques gouttelettes. Et là maintenant, c'est le déluge sur Nancy et je vous parle d'une crue. Alors non, évidemment, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais c'est pour vous parler de cette nouvelle série de Netflix qui est arrivée comme ça. C'est une série polonaise qui s'appelle donc La Crue et qui relate des événements réels survenus en 1997 dans la ville de Wrocław. C'est en Pologne. Des politiques et des fonctionnaires doivent faire face à une inondation dévastatrice et doivent s'emparer du problème afin de prendre les meilleures décisions. Cette série est composée de 6 épisodes. Elle est donc disponible sur la plateforme Netflix avec des gens, voilà, je pourrais vous dire les noms, mais c'est des Polonais, donc certainement qu'ils sont très connus dans leur pays. Mais bon, voilà, on les a peut-être déjà vus aussi dans d'autres séries. Mais là, franchement, ça ne me dit rien à moi, donc je ne sais pas, peut-être. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'afin de coller le plus possible à la réalité, l'équipe s'est entretenue avec des centaines de survivants et témoins d'inondations. La productrice et créatrice de la série, Anna Kepinska, a vraiment voulu coller au plus près à la réalité. Donc c'est assez court, c'est 6 épisodes où on va donc suivre tous ces personnages. Il y a des jeunes, il y a des chefs d'entreprise, vous avez peut-être pu voir une image qui tourne sur Netflix. C'est ce chien et cette jeune fille qui se promène avec son chien et puis le chien tout d'un coup va accélérer et va perdre la laisse et le chien va descendre dans une bouche de métro ou sous un pont plutôt. Sous un pont, et la fille va le suivre, et puis voilà, l'eau va monter, et la pauvre enfant et le chien vont se faire complètement engloutir. C'est très prenant, donc à conseiller. C'est une des séries les plus regardées de Netflix actuellement, avec toujours à la pole position après 3 semaines, le fameux Dahmer. Je vous en parlerai un de ces jours, mais... C'est vraiment une série terrible, ça, hein, sur ce meurtrier. Voilà, c'est bon, vous êtes restés quand même très nombreux à regarder cette série-là. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'univers des séries, aussi bien avec Laurent dans Destination Série, et puis sur les plateformes avec ce beau duel remporté haut la main par The House of the Dragon. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à la regarder. Et puis cette crue, si pleut ce week-end, ça vous fera vous dire que finalement une petite pluie, ça fait du bien. D'autres, c'est plus négatif. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Moi, une petite pause et puis je vous retrouve dans une petite demi-heure pour le Haute 40 avec un nouveau numéro 1. Tiens, je peux vous le dire déjà. Et puis, passez un bon week-end avec Multitube demain 9h avec Fred, qu'on salue au passage. On salue Fred, toute l'équipe. Alors, je ne sais pas si Mike sera là, mais on salue Mike aussi. Oui, qui lui est là à 19h les lundis. J'allais le dire. Ah bah tu vois, hein. Non, c'est vrai. On connaît bien notre grille des programmes. Le week-end se poursuit avec Demain Multitube et d'autres émissions, puisque voilà, Fadjet vous propose pas mal de programmes tout au long de la semaine. On vous souhaite une bonne semaine et à vendredi. Bye bye.